vois, tu vois. Les tonnerres sont là, donc on y va. Le mec ou l'autre froid, net. Lève ton bras, car la masse suivra la tempête. C'est le temps pour l'action, l'enfer ma reproposition. Le changement de temps est imminent, voici un échantillon. Je fais ce pile ou face, sans jamais y perdre la face. Accepte mon concept et prends toute la base dans ta face. Car en 16 ans, j'efface les productions inefficaces. Mais Air Max, rencontre ta face pour que tu fasses place. Mon crew est aussi fou que celui qui s'endroit des égouts. Néro, névrosé, ira bien jusqu'au bout. Je marque mon temps avec un concept bien différent. Je prends le contrôle et ben mes problèmes donnent mes restes constants. Je sors le 9 mm, tu pars à bout portant. Qui cherche à fuck les realness. Le bon c'est dead, pas besoin d'aide pour un bol être bête. Car pour lui la route sera raide, non. Je pense qu'au fur et à mesure le hip hop se structure et doit être servi à l'état pur. Mon appétit est si raide quand j'ai un HF dans les mains. Mon nom n'est pas Pac-Man, pourtant je t'avoue que j'ai faim. 9 est mon boss, c'est 9 respect. Aux délégués sur Paris, eux suivent mon ascension de près. Ton primo, 4 lettres qui traque l'air comme une bête. C'est Niro ou ironique. À la Clinton, t'es check on échec, il mate le maire. Le coup d'être